Son boule, ils veulent du rap, j'en donne. Ils veulent des motos qui se lèvent dans les clips, ils veulent du son en tonne. Ils veulent du shit, des couteaux, des téléphones, alors ça envoie le parachute en tol. Poum poum, là c'est tout le qui est passé. Je suis toujours là, je parle de moi au passé. Besoin de me détendre, de me faire remasser. Y'a ceux qui ont pas eux qui font ceux qu'on brasse. Tu fais le gros poisson. T'as vu la tasse, ratatata, j'ai le sang de la veine, mais c'est déjà pas ta tasse. Y'a pas d'être, mais ce jour où le 13 casse, c'est plein de mains se passe. Là je trouve que besoin d'espace, rap depuis tout puits, ils ont choisi l'espace. Gros cri par la pente, gros freestyle à la place. Les couilles pleines, ça cherche, faut qu'on casse. Faut qu'on stresse une moto en place. On calcule pas, les autres à la haine. T'inquiète, c'est qu'on blesse. Je voulais dire un truc, mais j'ai pas le mot clé. L'impression que sur moi, j'ai une épée dans mon plec. Ils sont à la fuite, ma vie est même celle de mon clé. Oubliez-moi, j'ai mis votre rat dans le chouette. Y'a rien à faire, on écrit ou pas. On se met les mains ou pas. Je vois que tu blablabla. On fait un tête ou pas. C'est ma face et tout le monde est tout pâle. Ici, on joue compliqué, tout pâle. T'en doute pas, parce que tes yeux sont à côté coupable. On m'a dit fais du mal, tu le paieras. On m'a dit à Paname, c'est chaud comme tu paieras. Mais c'est tout ça, mais on s'assurera. On dansera sur ton son, même quand il pleuvra. Je suis en feu sur le pouce. On me dit t'inquiète, j'ai un bruit sur le doute. 2, 3, 4, et ils reculent tous. Ambitieux, je touche toute la terre. Énervé, je fais des bombes par terre. Parano, je suis pas contre ton facteur. Je prends un dos d'un corps, j'ai niqué le cartel. Qui pète dans ma part en moins d'un quart d'heure. Sans plus des caméras, y'a toujours des capteurs. Et capteurs de voler, charbonneur et braqueur. Des représentés, ça me tient à cœur. Même nuit, j'ai passé dehors. Avoir des potes, insulter les morts. Ça s'accuse sans avoir d'éléments. Soirée finie au bord de l'émeute. Les flics te claquent, te plaquent, te menant. Et qui t'a dit que je suis pas comme un homme. Tu déçois ta femme, te parle comme un âne. Montre-lui un peu qui c'est l'homme. J'ai un gros chien terme. Vous faites banane. Juste besoin d'air. Elle marcelle ta dame. Il faut qu'on monte ta dame. Parce qu'ici ça dort. Toujours pas d'Instagram. Tout droit loin comme un mirador. Je peux me croiser en roue arrière. Ils veulent niquer ma carrière. Je vais péter les barrières. Tu m'as déçu, tu étais mon gaillard. Je peux me croiser en roue arrière. Ils veulent niquer ma carrière. Je vais péter les barrières. Tu m'as déçu, tu étais mon gaillard. Je me croisais en roue arrière. Ils veulent niquer ma carrière. Je vais péter les barrières. Tu m'as déçu, tu étais mon gaillard. Je peux me croiser en roue arrière. Ils veulent niquer ma carrière. Je vais péter les barrières. Tu m'as déçu, tu étais mon gaillard.